130 livres, chronique du 3 août 2020, L'esclave libre de Robert Penn Warren. L'année 2020 aura vu l'éditeur américain Walker Books refuser la traduction d'Alma, le vent se lève, du français Timothée de Fombelle, au motif que ce dernier y aborde le thème de l'esclavage de sa propre perspective d'homme blanc, soit un flagrant délit d'appropriation culturelle insupportable aux yeux de certains. Qui pisait en adoptant le point de vue doublement étranger d'une petite fille africaine. Considérant notre propension à intégrer toujours plus vite les nouveaux dogmes culturels venus d'outre-Atlantique, gageons qu'une prochaine réédition française de L'esclave libre de Robert Penn Warren reste passablement hypothétique. D'un profil comparable à celui de Fombelle, le triple prix Pulitzer y adopta en effet une démarche assez similaire, visant cette fois un public adulte. Le forfait date déjà de 1955, mais le propre de la cancel culture contemporaine est de réfuter l'idée même de prescription. La peste soit donc des artistes qui osèrent l'indicible au prétexte fallacieux d'une rare empathie, d'une intelligence supérieure et d'un exceptionnel talent d'écrivain. Au moins, Margaret Mitchell était-elle aussi femme et blanche que la Scarlett O'Hara d'Autant en emporte le vent, dont les sorties simultanées de deux nouvelles traductions françaises n'ont pourtant pas manqué de faire froncer leur lot de sourcils. Notons d'ailleurs que L'esclave libre fit aussi l'objet d'une adaptation cinématographique avec Clark Gable, certes plus vieux de 18 ans. Le traitement réservé à l'histoire conçue par Robert Penn Warren s'y apparente, hélas, à une défiguration au vitriol. Passons. Extrait. L'objet de notre amour peut nous charmer de tant de différentes, de paradoxales qualités, par sa force ou sa faiblesse, par sa beauté ou sa laideur, par sa gaieté ou sa tristesse, par sa gentillesse ou son agressivité, par sa bonté ou sa méchanceté, par ce besoin qu'il a de nous ou par son impétueuse indépendance. Et puis, lorsque nous nous interrogeons pour savoir de quelle source secrète en nous-mêmes a jailli cet amour, voilà que notre pauvre cerveau s'étourdit en conjectures et que nous nous demandons ce que tout cela signifie, ce que tout cela vaut. Est-ce le besoin de compagnie qui nous pousse à aller vers quelqu'un et à souhaiter combler son propre besoin, ou est-ce au contraire notre force? Si nous possédions cette force, de quel côté inclinerait-elle notre cœur? Donnons-nous de l'amour pour en recevoir et dans l'extase de la caresse, nous livrons-nous à des calculs que nous ne nous avouons pas, à ces calculs secrets que pratique l'usurier aux lèvres serrées? Ne suscitons-nous la passion avec arrogance que pour nous définir nous-mêmes? Est-ce simplement que nous avons besoin d'une main, de n'importe quelle main, d'un objet humain à étreindre dans le noir, sous la couverture, quand la peur est tapie derrière toute chose? Souhaitons-nous le bonheur ou est-ce la souffrance signe de notre réalité, que nous désirons au fond de notre cœur? L'avocat du diable pointera de fameux états de service progressistes chez l'auteur des monumentaux « Tous les hommes du roi et un endroit où aller », parmi lesquels un soutien indéfectible à Franklin Delano Roosevelt, puis une série d'entretiens avec des figures emblématiques de la lutte pour les droits civiques, tels Malcolm X et Martin Luther King, intitulé « Who speaks for the Negro ?». Seulement voilà, à 25 ans, le bougre était à coquiner avec une école de pensée ségrégationniste. De quoi avoir saisi toute la complexité des dilemmes du Sud profond, comme le reflète l'esclave libre? Allons, ne soyons pas dupes et condamnons en cœur. Les indécrottables affidés du patriarcat blanc peuvent toujours se procurer à vil prix une version d'occasion de l'œuvre ONI sur un site marchand hégémonique, ennemi juré des amis des belles lettres. Enfin, si ce qui suit les convainc naturellement. À première vue, il y aurait pire destin que celui de Samantha Starr, dont le roman constitue les mémoires de femmes mûres. Si l'incipit « Oh, qui suis-je » suscite la circonspection, Samantha passe néanmoins sa vie de fillette dans la propriété d'Aaron, son planteur de père. Elle grandit entre l'amour de celui-ci et la prévenance de domestiques aussi dévoués qu'esclaves, ne connaissant de sa génitrice que la tombe isolée qui jouxte leur maison. A posteriori, celle qu'on surnomme Manti saisira des indices de l'incongruité de son statut, mais pour l'heure, elle poursuit son apprentissage entre le domaine familial du Kentucky et la communauté rigoriste de l'Ohio où son père l'envoie acquérir des principes en béton armé et elle s'amourache d'un futur pasteur exalté. Samantha n'a donc guère à voir avec la causette période Thénardier jusqu'au jour où Aaron Starr décède dans les bras d'une femme du monde. Extrait. Avant ce moment, qui avais-je donc été, Samantha Starr? J'avais été défini par le monde qui m'entourait, par les grands arbres et l'âtre rougeoyant de Starwood, par les classes nues et les cantiques d'Oberlin, par les visages amicaux et pleins de sollicitude qui s'étaient penchés sur moi, et maintenant qu'ils étaient loin, fondus dans le désert de l'absence, je n'étais plus rien. Car en moi-même, par moi-même, du moins était-ce ce qu'il semblait, je n'avais rien été. Je n'avais rien été que leur création continuelle, et en conséquence, bien que je me rappelle beaucoup des choses qui se rapportent à cette première période de ma vie, je ne peux savoir qui j'étais. Ou alors, peut-être n'arrivons-nous jamais à en savoir plus. Oh, ne sommes-nous donc rien de plus que les événements qui forment notre propre histoire, des perles enfilées côte à côte sur un fil ou des petits nœuds de crainte, d'espérance, d'amour, de terreur, de désir, de désespoir, de besoin, de calcul, de sang et de rêve. Non, je m'exprime mal. Dans cette comparaison, qu'est le fil sinon le moi, ce dont il est justement si difficile de connaître l'existence? Le père demande-t-il, lègue des dettes copieuses de sybarites clandestins, que la vente de son patrimoine suffira à peine à régler, le drame inattendu étant qu'elle-même en fait partie. Comme sa complexion ne l'indique pas, la jeune fille est née des amours d'Aaron et d'une esclave, et nul testament ne l'affranchit. Oh, qui suis-je? À ce moment précis, elle est un bien, hébété et non fongible, que possède un sinistre créancier nommé Marmaduke, lequel ne compte aucunement cracher sur les $1,200 de son estimation et la revend en vitesse à un négociant à peine plus sympathique. S'ensuit la descente du Mississippi sur un bateau à vapeur miteux et une glaçante vente aux enchères dans un hôtel chic de la Nouvelle-Orléans. Aussi riche que peu d'Isère, l'acquéreur Hamish Bond semble prendre un rare soin de ceux qui lui appartiennent, mais alors que menace la guerre de sécession, ses intentions à l'égard de Samantha demeurent floues. Le regard de la protagoniste, alors qu'elle rassemble les bribes éparses de sa mémoire de femme, se colore d'une succession infinie d'émotions vives ou diffuses qu'elle cherche en permanence à analyser avec la plus grande acuité. Elles appartiennent au faisceau d'indices complexes dont elle s'applique par l'écriture à extraire son identité réelle. Lorsqu'elle devient esclave, Manti se sent réduite à un corps au prix libellé en dollars. S'y ajoute ce foisonnement constant de sentiments et d'impressions, ainsi que la nature des interactions qu'il allie à ses maîtres ou à ses homologues, souvent plus subtiles qu'une stricte dynamique de possédants et possédés. Extrait. Nous vivons dans le temps, cette petite portion de temps qui nous est dévolue, mais cette portion de temps ne constitue pas seulement notre vie, c'est également la somme de toutes les vies contemporaines de la nôtre. En d'autres termes, c'est l'histoire. Et tout ce que nous sommes est une expression de cette histoire. Nous ne vivons pas notre vie, c'est notre vie qui nous vit. Nous ne sommes au bout du compte que ce que l'histoire nous fait. C'est du moins ce que j'ai entendu dire. Cependant, nous sommes contraints de trouver un sens à ce que nous avons vécu ou à ce qui nous a vécu. Et il y a de multiples questions qui réclament une réponse, comme des enfants qui réclament un conte avant d'aller se coucher et si nous pouvons leur faire le récit qu'ils attendent, alors ces enfants, ces questions s'endormiront bientôt et nous aussi. Nous sentons que, si nous pouvons répondre aux questions, il nous sera possible d'être libres. Mais ce que j'avais l'intention de dire en commençant était simplement ceci. Comment pouvons-nous parvenir à connaître la manière dont nous, ce nous secret et confus, sommes engagés dans ce conte que nous vivons? Une jeune fille trempée de pluie, effrayée par l'orage, solitaire, bouleversée par une superposition d'époques, est déposée sur un lit par un homme vieillissant qui prononce le nom de la jeune fille comme un gémissement, puis, doucement, cruellement, accomplit l'acte. La jeune fille pousse un cri. Une sorte d'impulsion me poussait à cracher sur cet homme vieillissant et cette jeune fille accouplée dans ce lit, mais quelque chose me l'a interdit. Au fond, je n'avais pas envie de cracher sur ce couple. La jeune fille est étendue sur le lit. Mais comment ce qui lui arrive est-il lié à la conversation qui a lieu le même soir à New York entre deux banquiers dont le cognac français fait briller les yeux au milieu des volutes parfumées de la fumée des cigares? Comment est-ce lié à la terreur nocturne, mère des sueurs froides, que ressent un politicien couché à Washington? Comment est-ce lié au songe d'un vieillard rébarbatif assis à la chandelle dans une ferme du Maryland, non loin de Harper's Ferry, qui abandonne la lecture de l'écriture sainte et remue ses lèvres rigides pour une prière, en soupirant le moment où la vieille chimère abreuvée de sang tourbillonnera de nouveau et justifiera tout haut qui est la victime de qui? La main qui reposait sur mon flanc, le frisson qui contractait ma peau, la sensation de picotement qui irradiait sur mon ventre à l'endroit où s'enfonçait son pouce râpeux, l'impression de relâchement que je ressentais dans les muscles de mes cuisses, tout cela était de l'histoire, au même titre que le cri d'un mourant au bord d'une tranchée ou dans l'enchevêtrement des défenses en tronc d'arbre. Puisqu'elle est à la fois esclave et femme, son statut dépendra pour l'essentiel du regard des hommes à un moment donné. À l'évidence, et contrairement à Scarlett O'Hara, Samantha Starr aura longtemps subi son destin, comme sa relation au sexe opposé. Au moins en mesure-t-elle toujours plus lucidement les enjeux et conséquences, avant de parvenir à faire valoir ses choix d'amante, épouse et citoyenne pour des actes de plus en plus affirmés. L'auteur rappelle d'ailleurs avec talent combien la servitude des femmes de l'époque n'est qu'une affaire de degré entre les esclaves et celles que l'on dit libres. Comprendre enfin qui elle est devenue implique également pour Samantha de saisir la marche de l'histoire en une période complexe entre toutes, comme les inextricables répliques politiques qu'aura ce tremblement de terre. La guerre civile est sur le point de bouleverser sa condition de femme noire aux yeux de la loi et de la société américaine. Les réactions erratiques de Manti ne font au final qu'épouser le chaos du monde, comme le feront d'ailleurs celles des autres personnages. Le passionné d'histoire qu'est Robert Penn Warren s'attache à rappeler le rapport de causalité réciproque entre les destins individuels et ceux des peuples. Les premiers façonnent les seconds et évoluent en retour sous l'effet des transformations collectives. Comme dans tous les hommes du roi, aucune des figures marquantes de l'esclave libre ne s'avère vraiment ce qu'elle paraît être au premier regard. Les boussoles morales de ces femmes et hommes souverainement ambiguës prennent une allure différente selon l'éclairage apporté par les stades successifs de la guerre. Extrait. Car la corruption régnait partout, les affaires étaient mal gérées, il y avait les digues qui s'éboulaient, la jungle qui envahissait les coins fertiles, les récoltes qui pourrissaient dans les champs, les nouveaux venus qui accaparaient les terres et... constamment derrière tout cela, le planteur rebelle, toujours hostile en son cœur au nouvel ordre, affamé, dur, qui attendait sa revanche. Qu'il attendait en maniant le fouet, en refusant de donner des salaires, en faisant régner la terreur, mais surtout en imposant simplement sa présence, sa main qui planait sur toute chose, son arrogance, son humour, ses étranges violences, ses traits de longanimité encore plus étranges, ses éclairs de compréhension, ses actes de justice. Le planteur, symbole d'un ordre incertain et d'une incertaine adaptation au monde. Le maître est rudement méchant, mais lui et moi, on fait bon ménage. Qui pouvons-nous ? Comment parvenir à leur faire sentir que la liberté signifie responsabilité, alors que l'ancien maître est toujours là pour les rappeler dans le monde de l'irresponsabilité, même si ce monde comprend les coups de fouet et 10 heures de travail par jour au soleil de Louisiane ? Pourquoi ne serait-il pas tenté ? Jamais magnifié par l'auteur, la guerre porte le coup de grâce au modèle à bout de souffle des États confédérés, à base d'une féodalité d'un autre âge et d'une ségrégation raciale au mieux paternaliste dont l'esclave libre met à nu la perversité aux nombreuses facettes, avec le même soin qu'Underground Railroad des décennies plus tard. Mais la force du regard de Robert Penn Warren consiste à dénoncer de manière aussi limpide ce dont il fut le pendant, le rôle séculaire des potentats d'Afrique dans la traite négrière, comme les déviances des profiteurs yankees à l'issue d'un conflit dont ils écrivirent l'histoire en triomphateurs. Pour ce qu'on appellera les Afro-Américains, un modèle d'exploitation guère plus humain aura succédé à un autre, esclave devenu nouveau prolétariat, sans oublier les mois passés comme chair à canon. Pour des États-Unis d'Amérique dont l'Union fut préservée au prix du sang, l'appât du gain s'érigera en dénominateur commun tout-puissant, aux dépens des idéaux humanistes et religieux incarnés ici par Travis Sears et Seth Parton. On peut dès lors s'interroger avec l'auteur sur la nécessité du mal que fut la guerre de sécession, sans remettre en cause son inéluctabilité. Extrait. À une période en Nouvelle-Angleterre, des hommes avaient aspiré à vivre selon une certaine idée de Dieu, du bien, de la vérité, au-delà du voile des apparences, selon un idéal de fraternité humaine, de progrès, de liberté, au-dessus de l'idolâtrie matérialiste. Ces hommes avaient livré une sanglante bataille pour faire triompher leurs idées, mais, après la victoire, ils avaient trahi en faveur du Moloch matérialiste. Et dans ce pays qui produisait autrefois des hommes d'État, des prédicateurs, des explorateurs, des savants, des poètes, des prophètes, on ne trouvait plus que des politiciens qui se faisaient les portiers du lucre, des juges qui étaient les janissaires de la dette nationale, des tribunaux qui étaient la garde suisse du crédit, des prophètes qui se faisaient les apôtres du 6%, des savants transformés en touche-à-tout stipendiés, des professeurs uniquement occupés à répertorier les bibliothèques et des philosophes toujours prêts à tout justifier. Les ultimes mouvements de l'esclave libre s'attachent à Samantha, car son émancipation demeure l'enjeu premier du roman, l'objet véritable de son travail de mémoire. De longues années après sa fulgurante disgrâce, puis l'abolition de l'esclavage, est-elle enfin devenue une femme libre ? La plume de Robert Penn Warren lui confère une sincérité absolue tout au long de 475 pages d'examen de conscience. Candeur et clairvoyance, ironie et bienveillance, lyrisme et froideur clinique rythment un récit exigeant mais satisfaisant à l'extrême, comme souvent chez l'auteur. C'est par le langage que Manti entreprend sa propre quête du bonheur, promesse de la déclaration d'indépendance au même titre que la liberté, que le formidable gâchis de la guerre de sécession n'aura pas dévoyé. Tout dans l'esclave libre démontre combien serait erronée une vision de la littérature réduite au culturellement, racialement ou sexuellement correct, parce que tout dans cet exercice entrepris par un homme blanc de 50 ans est un hommage à la résilience et l'indépendance d'esprit d'une femme malmenée par les pires des arbitraires. Cette œuvre touche au sublime tant elle est brillante dans la langue et le propos, de sorte que la seule amertume qu'elle laissera au lecteur attentif et intègre résulte d'une certitude affleurant dès ses premières pages, celle de ne pouvoir faire mieux, y consacrerait-on des siècles entiers avec le soi-disant pédigré qui conviendrait. Mais le bonheur de se sentir vibrer à l'unisson d'un tel génie offre une gratification, donc une consolation sans commune mesure avec une écorchure d'orgueil si vaine. C'est vrai du récit à la première personne d'une esclave métisse par Robert Penn Warren, comme de celui d'un empereur romain du IIe siècle publié en 1951 par une auteure franco-américaine née à Bruxelles. La création artistique n'offre jamais mieux que cela. De grâce, ne lui en discutons pas le pouvoir.